Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra, les secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il n'admettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde et ne sourira point. Voici, il ne sommeille ni dort. C'est lui qui garde Israël. Oh, sois loué, Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié, sois loué, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra, le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. L'Éternel, c'est lui qui t'égare. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne t'attaquera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant jamais. Oh, sois loué, Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois loué, Seigneur. Je lève mes yeux vers le Père qui a fait les cieux et la terre, le Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre, notre Dieu d'amour qui a fait les cieux et la terre, notre Dieu d'amour qui a fait les cieux et la terre. Oui, c'est notre Père qui a fait les cieux et la terre. L'Omnipotent qui a fait les cieux et la terre. Oui, l'Omniscient qui a fait les cieux et la terre. Les dieux immuables qui a fait les cieux et la terre. Oui, les dieux d'amour qui a fait les cieux et la terre. Les dieux miséricordieux qui a fait les cieux. Oh, sois loué, Seigneur, sois glorifié, sois glorifié, sois loué, Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra, me viendra. Ese.